Le démarrage se fait sur des bruits. De bois brutine, viscéraux, bruit de l'intestin. On a l'impression d'être... Dans un bruit apparemment